Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se siente? Et que, pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour autres mujeres? Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. Para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Donc, bonjour Elina. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier d'Au bord des corps où on va s'intéresser au féminisme qu'on va appeler des Suds ancrés plutôt que d'Amérique du Sud, justement pour sortir de l'appellation coloniale qu'il y a derrière ce terme, et notamment de différentes notions qu'on va développer par la suite. Mais on va essayer de décortiquer un peu ces mouvements féministes et écoféministes d'Amérique du Sud. Pour me situer un peu, c'est un travail que j'avais commencé à mener moi-même dans le cadre de mon mémoire de fin d'études à Sciences Po, où j'étais déjà intéressée par les mouvements autogérés et à ce qui faisait système et comment ces mouvements réagissaient face aux oppressions systémiques. Et j'avais été touchée et frappée par différents auteurs, autrices qu'on avait étudiés à Sciences Po, tels que Wallerstein et Saïd, qui décrivent les systèmes mondes, et notamment dans l'orientalisme, le regard que l'Occident et la fabrication épistémologique que fait Saïd de l'Orient par l'Occident. Et après, j'ai fait un premier voyage en Amérique du Sud en troisième année, où là, j'ai été plongée au cœur des mobilisations politiques fortes et j'ai découvert un féminisme qui a éveillé en moi de la radicalité, en comprenant beaucoup mieux le caractère systémique du patriarcat. Et après, lors de mes voyages, je lisais Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano et j'ai pris conscience de l'omniprésence historique de l'extractivisme comme source première d'enrichissement des pays dits du Nord. Et j'ai réalisé la centralité de cette question pour l'économie mondiale et le néocolonialisme et constaté que dans ces premières recherches, que à l'encontre de cet extractivisme, les femmes étaient en première ligne des luttes. Et en parallèle, j'ai commencé la lecture de textes écoféministes, notamment de Françoise de Beaune, et pris conscience du lien entre domination donc des territoires et des corps par la colonisation. Et j'ai décidé de comprendre davantage les luttes de ces femmes dans leur complexité et la signification de ce concept de corps-territoire qui revient beaucoup dans leur épistémé, dans leur discours. Et à partir de ça, donc j'ai fait des recherches à partir de textes en espagnol, ou traduit et d'enquête de sciences sociales. Et j'ai fait également un travail de terrain, notamment en Équateur, à la fois dans la région d'Intag, où ce n'est pas des féministes indigènes, mais il y a tout un enracinement quand même dans le territoire de ces femmes, sur lequel je reviendrai par la suite, et aussi des entretiens donc menés avec certaines féministes d'Intag, et des féministes qui se présentent comme défenseuses de l'Amazonie, donc en Amazonie et également en Équateur. Que ces femmes se mobilisaient contre différents projets miniers, puisque l'Équateur, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud, est un pays avec énormément de méga-projets miniers et de mobilisation à leur encontre. Donc voilà un peu mon rapport au sujet. Maintenant, je vais introduire mon invitée, donc Elina Fronti, qui a publié le recueil « Vivante des femmes qui luttent en Amérique latine », sorti en 2022, c'est ça, aux éditions Dehors. Elina, est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue général sur les oppressions systémiques? Et également, j'avais envie de te demander de te présenter sur la question du corps, d'une part. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour toi comme sujet? Est-ce que ça ouvrait déjà des questionnements avant de commencer ton travail de recherche et de compilation de ces textes? Et qu'est-ce que ce travail a changé dans ton regard et ton interprétation de ce que signifient nos corps en tant qu'objet de répression et oppression, mais aussi sujet de résistance? Et enfin, quel est ton rapport et ta conception de la notion de territoire avant ce travail et après ce travail aussi? Merci. Bonjour. Donc oui, je vais commencer par me situer, puisque si je pense qu'il y a quelque chose que j'ai bien appris de tout ce travail de recherche lié au livre, c'est l'importance de se situer toujours avant de d'affirmer des choses. Donc je suis une femme cisgenre, non racisée, française. J'ai grandi en France dans des milieux essentiellement urbains, dans les années 90, et j'ai été amenée à aller à plusieurs reprises en Amérique latine pour mes études et pour certains voyages, et au cours desquels j'ai connecté avec une certaine diversité et pluralité de luttes féministes. J'avais déjà un certain engagement féministe en France de par ma famille, de par mes études, de par les milieux dans lesquels j'évoluais. Et en voyageant et en connectant avec ces féminismes en Amérique latine, j'ai découvert leur pluralité et leur diversité. Et j'ai aussi surtout été amenée à beaucoup questionner et remettre en cause un certain nombre de concepts, que j'avais intégré comme acquis dans mon vocabulaire et dans ma façon et dans la dimension aussi théorique de mes luttes. Et en particulier au cours d'un séminaire auquel j'ai participé au Mexique, dans la ville de Mexico, qui s'appelait « Genre et action politique » et qui m'a ouvert toute une porte de concepts et de mouvements, et notamment en rapport avec les féminismes communautaires du continent latino-américain. J'utilise le terme « Amérique latine » parce que c'est aussi à ce terme que beaucoup de personnes se rattachent, et c'est celui auquel je me rattachais à cette époque-là, mais qu'on peut ensuite discuter, puisque aussi grande part du travail de recherche m'a amené à un certain questionnement épistémologique des termes utilisés. Et donc pour répondre un peu à tes premières questions, par rapport à mon rapport au corps et à mon rapport au territoire antérieur à ce travail de recherche, je pense que le rapport au corps, sans être forcément théorisé, il était très présent, puisque grande part de mes premières réflexions féministes, elles viennent dès l'adolescence avec la transformation du corps et à partir de mon expérience propre en tant que femme aussi, de prendre conscience et me questionner sur les oppressions liées au corps, les agressions, tous les stéréotypes liés au fait d'être d'habiter un corps de femme, et le rapport au territoire. La question du territoire, elle invite à beaucoup de perspectives et de questionnements qu'on peut développer ensuite. Mais je crois que moi, mon rapport au territoire en tant que espace vécu, espace de lutte, je pense qu'il n'était pas très clair, et que mon lien entre lutte féministe et lutte territoriale et la notion de corps-territoire, je l'avais pas du tout pensé comme tel. Et c'est aussi grande partie de la raison pour laquelle j'ai voulu développer aussi cette notion-là dans ce recueil et toutes les réflexions qu'elle amène, parce que pour moi, ça m'a amené à un nouveau prisme de pensée et un nouveau prisme de lutte et un nouvel outil et donc une nouvelle force aussi dans ma lutte et dans mes actions féministes. Donc je pense que je peux dire que c'était pas des termes qui étaient pensés et c'était pas des prismes qui étaient réellement pensés. Après, une fois que j'ai réfléchi à la façon dont les femmes latino-américaines et caribéennes et les féminismes communautaires qui ont amené ces réflexions-là le posent théoriquement, je peux me retrouver dans certaines réflexions, mais je pense que ça m'a vraiment ouvert de nouvelles portes. Je te rejoins beaucoup sur ce rapport au territoire qui est plus difficile, j'ai l'impression, aussi dans nos féminismes, qui est moins revendiqué aussi en Occident. Et moi, je sais que ça a été un gros choc, en fait, de voir ces mobilisations-là. Et en fait, ça m'a interrogée sur ma propre localité et donné envie de, justement, revenir à cette localité, à mon propre corps, mais aussi à mon corps dans un territoire donné et à ce qui était fait au territoire dans lesquels j'évoluais, en France, notamment. Donc je te retrouve beaucoup là-dessus. Ensuite, je voulais te demander, du coup, pourquoi est-ce que tu sortais ce livre aujourd'hui ? Quel lien il y avait avec l'actualité ? Et qu'ont à voir les féminismes latino-américains là-dedans ? Alors, pour répondre à cette question, j'aurais aimé citer Maristella Svampa, qui, lors d'une conférence qui a été filmée, je crois qu'on peut la retrouver sur YouTube, elle parle des crises écologiques et sociales actuelles, mondiales, qui nous amènent à penser une certaine transition écologique et sociale. Et en fait, elle, Elle montre l'opposition qui existe entre les réponses données par les pays dits du Nord et par les pays dits du Sud, à l'échelle globale. Et en fait, par rapport à ces crises-là, les pays dits du Nord, ils répondent par la nécessité d'une transition énergétique, essentiellement énergétique, et donc par le fait d'en venir à des énergies dites vertes, qui en fait se traduisent par un certain colonialisme vert qui encore une fois impacte toujours ces territoires dits du Sud et donc entre autres l'Amérique latine et donc amène à tout un tas de conséquences sociales, de conséquences sur les territoires, alors qu'à l'inverse, de par leur situation, les transitions qui sont pensées par les pays du Sud sont beaucoup plus global et intègre différentes sphères et pas seulement la sphère énergétique, mais viennent penser aussi toutes les questions sociales, écologiques et sociétales. Et du coup, il y a toute une notion de transition écologique juste dans ces pays-là et qui sont, et ça c'est très important, qui sont amenés par la société civile et beaucoup plus que par les institutions gouvernementales. Du coup, que viennent faire ces réflexions-là par rapport au féminisme? Mais parce que les féminismes dits du Sud et toutes les femmes qui ne se disent pas forcément féministes, mais qui amènent ces réflexions avec la notion de genre au sein de ces luttes dans ces pays-là, viennent apporter des outils essentiels pour penser cette transition écologique et sociale. À l'échelle globale. Et donc je pense que il est important d'écouter ces voix, et c'est des voix qui sont encore très peu écoutées, très peu lues, très peu montrées à l'échelle globale, et qui pourtant ne viennent pas amener que des réflexions dans la sphère féministe, dans la sphère décoloniale ou dans les questions raciales, mais qui englobent toutes ces questions-là. On peut parler là de la notion d'intersection qui vient faire le lien entre toutes ces variables qui sont celles de genre, celles de classe, celles de race, etc. pour penser des problématiques qui sont à l'échelle globale et qui, tant qu'elles ne seront pas pensées ensemble et tant qu'elles ne seront pas pensées en intégrant ces voies-là, ces vécus-là, ces expériences-là, ces formes de lutte-là, seront toujours des systèmes d'oppression et reproduiront ces systèmes d'oppression. Et c'est là où ces voix-là, elles viennent aussi nous dire que la révolution qui est nécessaire à l'échelle globale aujourd'hui pour faire face à la crise et à l'effondrement d'un système qu'on ne peut plus nier, elle oblige à penser à intégrer ces questions-là et les voix de ces personnes. Ok, du coup, toutes ces mobilisations viennent beaucoup des mouvements indigènes aussi depuis les années 90 qui ont pris un grand essor. Je vous présenterai des notes plus tard sur une conférence que j'avais suivie de Carlos Walter Porto Goncalves qui parlait vraiment de changement de paradigme avec le nouveau paradigme vie, dignité, territoire qui était présenté par ces mobilisations par rapport à nos paradigmes de développement. Et je trouve qu'il y a une résonance avec nos perspectives occidentalo-centrées de toutes ces réflexions décoloniales qui sont à la fois sur l'expropriation des savoirs-pouvoirs que l'on peut retrouver aussi en Europe. Donc ces notions ont notamment été développées par Aníbal Quijano, María Lugones et Carlos Walter Porto Goncalves, avec la destruction aussi de toutes les communautés de vie par l'émergence des États modernes capitalistes. Et du coup, ça, c'est aussi des choses qui m'intéressent d'un point de vue du faire communauté, de comment même dans nos sociétés urbaines et occidentales, on peut retrouver cette notion de communauté qu'on a aussi dans les mouvements queer en Europe et en Europe du coup urbaine également. Donc là, je propose que ça soit le moment un peu de définition des termes pour qu'on puisse continuer la conversation, qu'on sache un peu de quoi on parle. Donc d'abord, la première partie de ton livre parle donc des féminismes depuis la différence. Donc il y a une pluralité des féminismes et d'écoféminismes qui s'inscrivent dans des différences de réalité selon les positions d'énonciation et qui font que de nombreuses femmes en lutte ne se reconnaissent pas dans les termes aussi de féminisme et écoféminisme. Est-ce que tu veux dire un mot, toi, sur la pluralité, enfin sur ces féminismes de la différence, comment tu les as... Complètement. C'est-à-dire que oui, à la base de l'idée du recueil, c'était cette volonté justement de parler et de montrer toute cette diversité de luttes qui remettent en cause, y compris la notion même de féminisme, et qui viennent de d'abord et avant tout, je crois, d'une remise en cause de cette pensée rationnelle qui est liée à la modernité occidentale et capitaliste, et qui vient se poser comme seule source de savoir avec une seule réalité qui est aussi complètement construite sur sur le dualisme rationnel qui divise nature et société humaine, qui divise le masculin et le féminin, qui divise le bien et le mal, et qui est basé sur cette espèce de dualisme binaire. Et en fait, y compris au sein des luttes intégrant les questions de genre, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent pas dans certains féminismes qu'on pourrait dire institutionnels, hégémoniques, et qui du coup ne veulent pas se reconnaître dans ces termes-là, parce que, je peux donner un exemple, elles ne se reconnaissent pas dans la façon dont est traité le rapport à ce que nous on appelle la nature, et qui n'est même pas nommé comme tel par ces femmes-là. Et en fait, Moira Milan en parle beaucoup. Il y a une certaine problématique dans le fait de pouvoir, dans nos luttes, se positionner par rapport à la nature comme si c'était un tout séparé de nous, alors que la façon dont ces femmes-là luttent et œuvrent, elle est liée à des pratiques quotidiennes dans lesquelles il existe une réelle éco-dépendance. Et ça, je pense que c'est un terme essentiel à intégrer, qui vient du fait qu'il y a une certaine réciprocité entre les peuples et leur environnement naturel, qu'il existe, que on se considère comme part de cette nature, et que du coup ça crée un rapport complètement différent à ce qu'on appelle le territoire, que la lutte s'inscrit dans le territoire et qu'on fait partie du territoire, c'est pas un espace externe exploitable, etc. Et il y a tout un tas de savoirs et de termes et de données qui ne sont pas reconnus dans certaines luttes féministes. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi d'essayer de mettre en mots dans le recueil, et qui n'était pas évident parce que j'ai voulu, pour pouvoir montrer la diversité, la pluralité des luttes sur le continent, intégrer les voix de certains féminismes urbains qui sont hyper reconnus et institutionnellement par les États-nations et à l'échelle internationale, et pouvoir aussi intégrer les voix de femmes et de personnes non binaires qui ne sont même pas reconnues par les États-nations comme part de ces États. Et du coup, ça amène à mettre ensemble des voix qui sont pour autant pas du tout reconnues sur le même plan, mais qui, ces voix qui sont minoritaires, demandent à être en dialogue, ne demandent pas à remplacer, justement, demandent à rompre avec cette logique de hiérarchisation des savoirs, de domination, etc. On n'est pas dans une logique de renversement de l'échelle hiérarchique des savoirs, mais plutôt du dialogue. Et c'est ça, cette notion de féminisme à partir de la différence, c'est le fait de se reconnaître communautairement comme dans un système de complémentarité, de réciprocité, d'entraide, et le fait que la différence, elle vient pas poser problème, elle vient pas créer des systèmes de hiérarchisation des données ou de division, mais elle vient plutôt faire force. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Cette façon de penser, et c'est un outil très important à penser dans tous les systèmes de lutte, et pas entre guillemets dans les questions féministes, mais parce qu'elle vient nous amener à penser la façon dont chaque fois que l'on amène une théorie, une réflexion, une pensée du monde, il est important de se situer, de la penser à partir de se savoir situer géographiquement et culturellement pour pouvoir expliciter d'où vient cette perspective et cette vision de la réalité, et pour éviter de la poser comme universelle et de la même façon opprimer d'autres façons de penser. Merci beaucoup. Imperceptible, un flot de silence s'amasse. Changer, fendre la terre, ouvrir une faille pour que coule l'eau de ce qui n'a pas été dit. Ana Jimena Sanchez, Poesía 34, Ecuador 2017. Après, dans les notions aussi, il est important de définir l'extractivisme. Donc moi, je l'avais un peu bêtement défini comme le système d'extraction des matières premières par les pays dits du Nord sur les pays dits du Sud. Je sais pas si toi, tu rajouterais une dimension à ça. Je pense que on peut rajouter toute la dimension violatrice de l'extractivisme, parce que je pense que c'est tout le travail que font ces femmes des communautés qui sont directement affectées par l'extractivisme que de le redéfinir au-delà de la partie juste technique et économique de ce qu'implique l'extractivisme sur un territoire, et de démontrer et expliciter le fait que c'est pas juste, avec plein de guillemets, une matière première qui est sortie d'un territoire à des fins capitalistes ou à des fins énergétiques, etc. Mais qu'avec cet extractivisme, il y a toute une transformation et toute une comment on dit, desbalancer, un déséquilibre. Ouais, un déséquilibrage, toute une violence faite aux systèmes locaux, aux façons dont les personnes vivent, aux façons dont fonctionnent les communautés sur ces territoires. Ça remet en cause non seulement leur mode de fonctionnement, mais aussi leur vie quotidienne. Ça vient contaminer les eaux qu'elles utilisent. Ça vient non seulement sortir ce qu'on nomme une matière première d'un territoire, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque le territoire n'est pas juste des ressources naturelles externes à la vie, mais vient aussi marquer l'identité des personnes, leur spiritualité. Y a tout un tas de notions derrière qui ne peuvent pas être comprises si on vient pas s'intéresser réellement à la façon dont les personnes s'inscrivent dans les territoires. Et en fait, en venant exploiter ces territoires, parce que il en dit long aussi ce terme-là d'exploitation, il y a aussi toute une destruction des savoirs ancestraux, du rapport aux ancêtres, du rapport au lieu, du rapport à la mémoire, du rapport à la terre-mère, et en fait qui vient complètement détruire et déstabiliser de façon très grave la façon dont ces sociétés la vivent. Et je pense que tant que ne sont pas considérées toutes ces dimensions qui sont liées à l'exploitation, on peut pas reconnaître à quel point la violence, elle va vraiment au-delà d'une violence faite à la terre, qui est déjà très forte, qui est déjà non considérée, mais qui vient remettre en cause tout un territoire. Je vais parler de l'importance de la notion du terricide formulée par Moira Milan. Par ce terme, la leader mapuche désigne le crime d'assassinat de la terre commis par les États-nations et par les entreprises nationales et transnationales. Selon Milan, ce crime a un impact sur trois dimensions de l'existence. Premièrement, sur le plan matériel, car on s'attaque aux rivières, aux montagnes et aux personnes humaines. Deuxièmement, sur le plan perceptif, car les forces qui composent l'essence de la vie se trouvent dans les espaces naturels que les entreprises détruisent. Enfin, sur le plan de la culture des peuples opprimés, car l'extractivisme les prive de leur milieu de vie. Il y a un des textes dans le livre, donc si tu veux, tu pourras peut-être lire des passages à ce moment-là, mais qui vient parler justement des violences psychosociales qui affectent d'ailleurs directement et premièrement les femmes et les enfants lors de cet extractivisme. Et je peux aussi parler de la façon dont les femmes et les enfants sont les premières victimes sur ces territoires de cet extractivisme, puisque et je peux parler de choses très concrètes du fait de leur constitution biologique, les femmes sont les premières à être affectées par la contamination des eaux. Il y a énormément de infections vaginales, d'infections urinaires qui sont liées à ça, des problèmes de la peau. Les femmes sont, de par leur rôle historique et social aujourd'hui dans les communautés, les premières à être associées aux travaux dans les champs et aux travaux liés à l'eau, et donc les premières à avoir des problèmes de peau liés à ça. Voilà, il y a aussi tout un tas de choses très concrètes qu'on peut nommer et qui sont comment on dit en économie les extériorités, c'est ça, extériorités qui sont liées à cette exploitation. Ouais. Tout à fait. Et effectivement, l'extractivisme, enfin le mot isme renvoie aussi au caractère systémique et idéologique en fait qu'il y a derrière cette extraction, qui n'est pas genre juste une extraction à des fins économiques, mais aussi idéologique de domination coloniale, et qui est utilisée qui est propulsé par les États occidentaux sur les États dits du Sud, mais aussi instrumentalisé par les gouvernements de ces pays dits du Sud, donc qui suivent l'idéologie néolibérale du développement, etc., mais qui aussi l'utilise pour fragmenter en fait les tissus communautaires et pour asseoir leur propre pouvoir étatique et s'établir eux-mêmes comme état moderne. Cet extractivisme, il rompt aussi complètement les structures de vie, y compris les formes économiques par lesquelles fonctionnent ces communautés-là, en venant aussi complètement changer obliger les hommes en général à travailler pour les sociétés qui s'installent. Donc ça vient aussi complètement rompre les structures, y compris internes de ces sociétés. Et je voulais aussi rajouter, pour pouvoir aussi intégrer d'autres termes que peut-être on développera plus tard, mais que cet extractivisme, c'est complètement le fruit de ce qu'on nomme la colonialité. La colonialité, c'est ce processus de racialisation des corps, des savoirs et des territoires, et qui est associé à une hiérarchisation de ces corps, de ces savoirs et de ces territoires. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on considère complètement normal dans nos sociétés actuelles au nom d'une transition verte de nos énergies, pouvoir aller exploiter un territoire et ne pas du tout intégrer dans les décisions qui sont prises les conséquences sur ces territoires de sociétés qui en sont complètement détruites, le fait que toutes leurs valeurs et leurs revendications ne sont pas du tout remises en cause, parce que nous, on ne pense qu'à partir de cette rationalité de ce qui est le bien et le mal dans un rapport de transition. On vient parler juste là de venir retirer une ressource naturelle de la terre. Il y a rien qui est pris en considération dans ce que revendiquent ces communautés-là. Tout à fait. Et colonialité du savoir et du pouvoir qui vient d'Annibal Quirano, du coup, qui a été enrichi ensuite par Maria Lugones, justement. Dans un extrait du livre intitulé « Féminisme et artivisme dans les Amériques », coordonné par Lysol Quiros et que j'ai trouvé de la revue Contretemps, nous est expliqué que le concept de colonialité du pouvoir vient bien d'Annibal Quirano, qui a été ensuite enrichi du concept de colonialité du savoir, puis de l'être, par Nelson Maldonado Torres, sur les bases des travaux de Fanon, et enfin de la colonialité du genre par Maria Lugones. Les travaux de Paula Gunn Allen nous montrent qu'il y avait une pluralité des genres pré-colonisation. Après, pour définir un peu ce qu'on entend par Abya Yala, qui est un terme qui revient beaucoup aussi dans l'ouvrage et qui revenait aussi dans mes recherches. Donc c'est un nom d'origine Kuna, donc qui vient d'un peuple autochtone du Panama, qui désigne le lieu de vie, la terre-mère, et qui est repris par de nombreuses communautés et mouvements indigènes pour qualifier le territoire sud-américain, en dehors des termes apposés par la colonisation, qui l'appelle du coup Amérique latine. On entend donc dans latine la racine européenne de ce terme, ou Amérique du Sud, avec le terme Amérique qui vient lui-même de Amerigo Vespucci, qui était le premier européen en fait à avoir mis un pied sur le territoire du coup d'Abya Yala, mais qui est un terme difficile à utiliser nous-mêmes parce que nous ne sommes pas concernés par ce territoire qui n'est pas le nôtre, puisqu'il signifie notre territoire du coup en Kuna. Voilà, je sais pas si toi t'as quelque chose à ajouter par rapport à ce terme. Ouais, je pense que je peux profiter de cette réflexion là pour poser aussi un des grands apports de ces femmes que j'ai traduites dans le livre, qui est celui de remettre en cause toute la dimension épistémologique des luttes, et donc en gros, pour la un peu plus simple, les termes qu'on utilise et le choix des termes qu'on utilise, et le fait que, y compris au sein de luttes révolutionnaires telles que peuvent l'être le féminisme, la lutte antiraciste, les questions queer, enfin dans toutes les luttes, les termes utilisés peuvent être des termes d'oppression alors même qu'on ne le conscientise pas. Et par ailleurs, voilà, au début du travail de traduction, j'ai été confrontée à ça sur tout un tas de termes, notamment par exemple le terme indigène, indigena, qui est beaucoup utilisé, y compris par ces femmes-là, mais qui traduit en français, peut poser problème ou questionner, tout comme le terme autochtone ou le terme communauté, qui renvoie à tout un imaginaire aussi colonial et tout un tas de questions raciales et qui du coup, voilà, oblige à questionner chaque fois les termes qu'on utilise. Abya Yala, que tu viens de définir, voilà, ça m'a posé cette question de est-ce que j'écris tout au long du bouquin Amérique latine, ce qui me paraissait logique par rapport au public auquel je m'adresse, qui est a priori un public francophone, occidental, qui ne comprendra pas nécessairement le terme Abiyayala si je le pose comme ça, et qui d'ailleurs est un terme, comme tu le dis, qui vient amener une lutte très forte contre hégémonique, et qui vient avec un certain pouvoir qui doit être utilisé avec soin, on va dire. La notion de nature dont je parlais tout à l'heure, qu'on utilise à tout va, y compris dans les luttes écologiques, où on parle voilà de notre lutte pour la nature, des ressources naturelles, etc., qui sont des termes qui n'ont aucun sens pour certaines femmes que j'ai citées dans le livre. Donc voilà, je pense qu'il est très important, pas de supprimer ces termes, mais de, au sein de nos réflexions, encore une fois, se resituer et rappeler à partir de quel prisme, à partir de quelle culture et à partir de quel univers on vient poser ces termes-là, et de reconnaître le fait que ces termes, ils viennent avec tout un système d'oppression pour d'autres personnes. Je pense que c'est important, quand on parle de ces termes-là, ben voilà, de questionner ça et d'inviter à ce filtre de réflexion dans nos luttes. La soledad par las luceras. Ensuite, il y avait aussi le terme féminisme décolonial, donc que j'avais envie un peu d'essayer de définir, que j'avais commencé à définir comme un féminisme depuis les dits entre guillemets sud, qui s'inscrit dans les études donc décoloniales, cherchant donc à combattre la colonialité que tu as très bien définie tout à l'heure comme un système d'oppression, exploitation, extermination, de réappropriation des ressources, des savoirs, des vies, qui est toujours en vigueur et qui perdure depuis l'abolition de l'esclavage et les mouvements de décolonisation. Oui, il y a un passage que j'ai lu tout à l'heure, peut-être que tu pourras intégrer à ce moment-là sur le fait que le féminisme décolonial nous avertit du fait que être femme ne nous exclut pas d'être dans le potentiel rôle d'oppression. Les féministes du Sud ancré tournent leur attention vers l'histoire anticoloniale parce que la seule chose que nous avons devant nous, c'est le passé. Pour elles, le passé constitue l'avenir dans deux sens. Tout d'abord, parce qu'il nous rappelle les formes d'oppression et les violences auxquelles les peuples ont été soumis. Ensuite, dans le sens où se trouvent dans le passé les sources historiques des formes autonomes que le colonialisme a essayé de détruire et dont il faut se ressaisir pour continuer à exister. Maria Lugones soutient aussi que l'usage du terme « femme » sert à occulter la position des femmes de couleur. La ligne de couleur détermine les types de violences auxquelles les corps genrés sont soumis. La dimension coloniale s'exprime alors par le fait qu'on occulte les violences les plus accrues commises du côté obscur de la ligne de couleur et que certains privilèges des femmes blanches sont bâtis sur l'oppression des femmes racisées. La critique féministe décoloniale nous avertit donc du fait qu'être femme ne nous met pas à l'abri d'occuper la place de la domination patriarcale. L'argument des féministes du Sud ancré consiste à affirmer qu'il est nécessaire d'effectuer une auto-limitation de sa perspective à l'aide d'un ancrage dans un lieu de vie et de lutte. D'un autre côté, la dimension coloniale présente dans certains féminismes du Nord s'exprime dans la croyance selon laquelle les femmes racisées doivent suivre le même chemin de libération que les sœurs du Nord pour être sauvées. Cette tendance se retrouve notamment dans le féminisme institutionnel, défendu par les agences de coopération internationale et les politiques de développement. Dans un tel état des choses, on persiste à concevoir les femmes racisées comme agents passifs du savoir. Les féministes du Sud ancré en appellent ainsi à penser et à pratiquer les féminismes de manière décoloniale, c'est-à-dire en visant l'inclusion de mondes multiples au lieu de leur exclusion. À la différence de Oyewumi, elle explique que le genre est une catégorie qui a été employée exclusivement pour catégoriser les sujets blancs qui se trouvaient du côté visible de la colonialité. Pour les sujets qui se trouvaient du côté le plus obscur, à savoir le côté colonisé marqué par la race, le genre a opéré à travers son absence, car au lieu d'assigner un genre aux femelles, entre guillemets, elles ont été réduites à la condition d'animal, à un sexe sans genre. Ici, le genre a donc opéré comme mécanisme pour établir une ligne de division entre humains et sous-humains, garantissant l'extraction différenciée du travail sans rémunération. L'idée selon laquelle le patriarcat n'émerge qu'avec le colonialisme est réfutée par un second grand courant du féminisme du Sud ancré. Je peux citer Julieta Paredes, Silvia Rivera, Cusi Conchi, Rita Laura Segato et les femmes zapatistes. Ainsi que l'explique Segato, la dualité est une forme du multiple dans lequel les termes de la relation sont conçus comme étant complémentaires et ontologiquement complets. Le patriarcat constituant le maillon ayant permis la coopération des colonies, les décolonisés eux-mêmes avec l'entreprise coloniale. Cette stratégie a consisté à faire des hommes amérindiens les interlocuteurs privilégiés des colonisateurs, donnant lieu à une alliance tacite entre les mâles de la société dominée et les mâles de la société conquérante. Les corps et les activités que l'on considère appartenir à la sphère féminine ont cessé d'être perçus comme étant complémentaires à celles de la sphère masculine pour devenir déficientes, incomplètes et dénuées de rationalité. C'est en outre cette logique binaire qui est à la base de l'expulsion des sphères politiques, des processus de reproduction de la vie, qui, comme l'ont bien montré Maria Mies et Silvia Federici, commence à être identifiée au domaine de l'État et à la sphère du marché. Dénués de mécanismes de protection sociale, les corps féminisés sont dorénavant exposés à des formes de violence, phénomènes sociaux nécessaires à la production de plus-value. Malgré les divergences qui séparent les autrices des deux courants, on peut constituer qu'elles se rejoignent dans l'idée partagée que le système colonial est intrinsèquement patriarcal. C'est la manière de se rapporter au tissu de la vie qui détermine le caractère patriarcal au nom d'un sujet, et non le fait de s'identifier comme femme, homme ou personne non binaire. Agir de manière patriarcale consiste justement en cela. Une action, une attitude spécifique face à l'autre et à soi-même, c'est-à-dire remplir une fonction sociale. Je pourrais rajouter là le fait que tout au long de ce travail de recherche, pour moi, ça a été l'affirmation la plus totale du fait que le féminisme se doit d'être décolonial, l'écoféminisme se doit d'être décolonial, et que cette lutte-là qu'on mène contre, au final, un même système, qui est ce système capitaliste patriarcal, il ne peut pas être pensé qu'à partir du prisme de genre. Et que il doit intégrer aussi ces questions de race, de classe, etc. Et je pense que c'est ça, c'est cette réflexion-là que vient amener le féminisme décolonial. Et dans cette notion de féminisme décolonial, il y a aussi tout un apport de la notion de mémoire, je crois aussi. Mémoire, parce que justement, dans nos sociétés modernes, et y compris dans un certain féminisme blanc institutionnel, a été complètement oublié, délaissé la mémoire autochtone, une certaine mémoire ancestrale et tout un tas de savoirs qui, j'en suis persuadée, se doivent d'être réintégrés et sont nécessaires pour pouvoir penser notre révolution. Je ne veux pas que s'épuise ma joie. Je ne veux pas que cette guerre me transforme. Que le poids de sa roue me marque. Je ne veux pas voir son empreinte dans le miroir le matin, à la commissure de mes lèvres. Je résiste à cette métamorphose, aux années de consignes prophétiques qui vont en profondeur dans le cœur et m'attristent. J'ai besoin d'oxygène pour faire passer le mot au clocher le plus haut. Caresser avec le reste des hommes et des femmes prométhéens le ventre de l'univers. Ensuite, il y a le terme de féminisme communautaire. Donc, c'est des féminismes de depuis et pour la communauté. Alors, à la fois, il y a un conflit sur l'origine et le sens de ce terme parce que Julieta Paredes de Mujeres Creando se définit comme à l'origine du terme et du mouvement des féminismes communautaires. Et Lorena Cabnal d'Amix Massage se revendique aussi de ce terme-là. Et Julieta Paredes ne reconnaît pas Lorena Cabnal comme féministe communautaire, mais bon, on va pas rentrer forcément dans les détails de ces conflits-là. Mais en tout cas, du coup, on peut trouver, c'est pour expliciter un peu qu'on peut trouver différentes sources d'origine si on recherche dans les textes, que ça soit par Lorena Cabnal ou Julieta Paredes. Et après, il y a plusieurs autres mouvements sur tout le continent qui se revendiquent aussi de ce terme. Après, bah, la suite de la conversation expliquera peut-être un peu plus ce qu'on entend de féminisme depuis et pour, par et pour la communauté. Et il y a également la notion de corps-territoire, donc une notion qui renvoie tant à la notion de territoire dans l'exploitation, qui se répercute sur les corps humains, se percevant comme intrinsèquement liés à leur environnement, notamment les femmes, et qui renvoie également au corps de ces femmes comme espace de territorialité, visé par le même processus de colonialité, et qui est le premier lieu de réaction et de résistance à cet extractivisme qu'on a décrit. Et je voulais terminer aussi par la définition de dualisme que tu as employé aussi tout à l'heure, qui est donc un système, alors je citerai Rita Laura Segato par rapport à ça, parce que c'est un système donc d'oppression et de séparation des choses en deux principes irréductibles qui est à la base de la binarité des genres et aussi de la binarité nature-culture. Le grand champion du dualisme, c'est ça peut être René Descartes qui fait la séparation de la raison et de l'émotion des êtres humains haines et de la nature, qui est très fortement ancré dans nos philosophies, à l'origine de nos pensées occidentales qui se disent rationnelles et qui se revendiquent notamment des philosophes des Lumières. Est-ce que sur ces trois concepts, féminisme communautaire, corps-territoire, dualisme, tu veux apporter quelque chose? Peut-être sur le concept de corps-territoire, qui, comme on l'a évoqué tout à l'heure en introduction, a été vraiment genre un nouveau prisme de réflexion pour moi. C'est un terme sur lequel on peut discuter pendant des heures parce qu'il peut être vu sous et amené à des réflexions vraiment diverses. Mais ce terme, il a été porté par, je le disais tout à l'heure, les féminismes latino-américain, caribéen et communautaire. Et je crois que une des raisons pour lesquelles je le trouve très intéressant, c'est parce qu'il ramène à la plus petite échelle qui est l'échelle de notre propre corps et à poser comme une question réellement éthique première de nos luttes, le fait de retrouver notre pouvoir de décision sur nos corps. Je crois que c'est aussi cette notion de pouvoir de décision sur nos corps et de liberté de nos corps et de nos identités. Il me semble que c'est quand même ce qui réunit toutes ces luttes féministes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Je pense que dans des réalités à partir de situations complètement différentes, c'est une des revendications premières du féminisme, si on pouvait le réunir. Je crois qu'il nous amène aussi à penser notre lutte à partir des pratiques quotidiennes, au-delà de toute la théorie développée. Et c'est ce que j'intègre dans le terme écoféminisme, dont on n'a pas encore trop parlé, mais peut-être après, le fait de revenir, de revaloriser tout ce qui appartient à la sphère du domestique et à la sphère du quotidien, du soin, de la reproduction de la vie, et qui s'inscrit, je crois, dans le corps en premier. Il amène aussi le fait de revenir à l'échelle première du corps et du rapport entre corps et territoire, à l'importance de la lutte à partir de notre autosuffisance alimentaire, ou du moins de notre liberté et possibilité de définir comment on se nourrit, notre rapport à l'alimentation, à ce qu'on boit. Et donc, du coup, voilà, ça nous ramène à ces luttes premières de l'alimentaire, de la non-contamination, de toutes les luttes qui sont, du coup, ces luttes qu'on ramène à la sphère écologique aujourd'hui et qui viennent, du coup, ici, dans ce terme de corps-territoire, faire le lien complet entre l'écologisation des luttes et la féminisation des luttes qui existent aujourd'hui dans beaucoup de luttes et de revendications populaires, parce que c'est des questions essentielles dans nos luttes pour la liberté, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça pour le rapport corps-territoire et aussi tout ce que viennent apporter certaines réflexions de communautés indigènes, qui est le fait de considérer le territoire, mais je crois que j'en déjà parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de le rappeler, de considérer le territoire au-delà de un espace de échanges économiques et sociaux ou des ressources naturelles, dans ces définitions qui sont plus, on va dire, géographiques et économiques, théoriques, mais qui est un espace d'identité, de mémoire, un espace de pratique ancestrale, un espace spirituel, un espace où sont invoqués des esprits, un espace où il y a tout un tas de rituels qui doivent être et qui peuvent être effectués, et où il y a vraiment un rapport de coopération, de réciprocité entre les esprits, les plantes, les animaux, les ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement oublié de y compris de certaines luttes et qui est important de rappeler. Merci. Et du coup, tu parlais effectivement d'écoféminisme qu'on n'a pas encore défini, parce que je me disais que ça allait venir dans la conversation, mais c'est peut-être le moment justement de l'aborder. Et je peux te laisser le définir si tu le souhaites. Et après, si il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter par rapport à l'ensemble de ces définitions, s'il y a des choses qui te semblaient un peu floues. J'ai vu que tu avais écrit pas mal notamment Moira Milan, etc. Donc, je te laisse peut-être aussi enchaîner avec cette partie, si tu le souhaites. Du coup, c'est vrai qu'au moment où j'ai décidé de faire ce recueil, il m'a fallu poser un peu des critères et des catégories pour pouvoir aussi trouver, on va dire, un peu de logique dans la sélection de mes textes, dans leur organisation, dans le pourquoi tu choisis un tel et pas un autre, parce que c'est quand même très ambitieux. La volonté de faire un recueil de textes qui réunirait, qui donnerait un aperçu de la pluralité, la diversité de ce que je décide de nommer comme écoféminisme en Amérique latine, en réunissant des textes qui tous mettent en lien des questions écologiques et des questions féministes. Ouais, c'est très ambitieux. Et il m'a fallu, du coup, trouver des critères. Et du coup, parmi ces critères-là, donc moi, j'ai décidé de mettre comme trait d'union entre les textes la notion d'écoféminisme. Sauf que cette même notion, je crois que tu l'as définie tout à l'heure, qui est née sous la plume de Françoise Daubonne en France dans les années 70, et qui donc vient faire ce lien entre le saccage de la nature et la domination des hommes sur la catégorie dite femme. C'est une notion qui ensuite est devenue très plurielle, et on peut parler des écoféministes, et il y en a plein, essentialistes, de la différence, etc. Je vais pas tous les définir ici à l'oral, puisque dans le texte, il y a un super texte que j'ai traduit qui vient poser toutes ces définitions et les expliquer. Mais ce que j'entends par écoféminisme quand je choisis d'y réunir tous les textes qui sont choisis, c'est une certaine le choix d'une certaine perspective holistique des choses, c'est-à-dire le fait de voir l'ensemble du système, et donc pas que choisir le prisme du genre ou le prisme environnemental ou que le prisme de la race, mais de voir en fait toutes les oppressions que l'on dénonce et que l'on reconnaît, contre lesquelles on lutte, comme les fruits d'un même système, qui est un système capitaliste patriarcal qui existe à l'échelle globale et qui s'exprime de façon différente, mais sur tous les territoires et sur tous les corps. Et donc ça, c'est ma première définition écoféministe dans cette perspective holistique. Ensuite, pour moi, l'écoféminisme, c'est cette remise en cause du capitalisme par et au travers de la reconnaissance d'une certaine éco-dépendance. Et je pense que c'est un terme hyper important pour nos luttes, l'éco-dépendance. Et par la revalorisation, puisque c'est quelque chose qui a été complètement déprécié, du travail de reproduction sociale. Ensuite, dans cette notion de d'écoféminisme qui fait le trait d'union entre tous les textes, c'est une notion qui, pour moi, est intrinsèquement décoloniale. L'écoféminisme se doit d'être décolonial et donc d'intégrer toutes ces réflexions sur la colonialité et la racialisation des corps, des savoirs, des territoires dont on a parlé tout à l'heure. La remise en cause de tout un tas de catégories de pensée et de dualisme avec leur dimension hiérarchique qui est posée par par la rationalité moderne capitaliste occidentale. Pour moi, il y a aussi dans tous les textes sélectionné toute une dimension pro-communautaire. Le terme communautaire, il invite à plein de réflexions aussi dans notre contexte français. Peut-être que tu auras envie de le développer aussi, mais ici pro-communautaire au sens d'interdépendance entre les humains des sociétés, entre leur environnement de vie, ces notions dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui me paraissent essentielles de réciprocité, de coopération, de complémentarité, etc. Dans cet écoféminisme, j'entends aussi le fait de rompre avec un système qui considère les ressources de la Terre comme des marchandises, et j'entends par là y compris les corps dans leur dimension genrée. Voilà, donc je pense que je peux m'arrêter là pour sa définition écoféministe. Origine de Rosa Silverio. Je descends d'une lignée de femmes courageuses et qui ont souffert. Des femmes qui ont élevé la voix quand personne ne voulait les écouter. Des femmes d'écume et de blé. Des femmes à l'écorce dure, blanche, noire, jaune. Toutes unies par le mot injustice. Toutes sont à mon image et me ressemblent. Filles de la terre sacrée. Méduses à tête tranchée. Reine condamnée à la potence, guerrière brûlée comme sorcière, paysanne aux pieds nus et enfant à l'épaule. Je viens d'une génération de femmes qui ont su ce que sont la douleur et le mensonge, qui se baignent dans l'eau triste des océans, qui ont appris à cacher leur sang de lune et ont été exploitées dans la plus interne des violences. Je descends d'un groupe de femmes qui m'ont tout donné, qui ont lutté contre le mal et parfois l'ont vaincu. Des femmes qui trinquent avec du sang et mangent la chair de leurs morts, qui s'arrachent les cheveux pour leur fils mort ou leur époux blessé. Je viens de plusieurs endroits, mais c'est dans la grossesse de la terre que ma voix résonne comme le chant d'un oiseau, que ma voix brille comme une grande étoile. Je viens de toutes les femmes du monde, de la grande, latente et puissante matrice, pareille à l'utérus quand il se dilate pour la naissance de l'enfant. Je viens du chemin déjà parcouru par mes ancêtres. Je viens pour hériter d'elles. Je suis leur fille préférée. Je suis Arya Stark qui lutte pour le trône de fer. Je suis Jeanne d'Arc, Simone de Beauvoir, Visvoava et Kate Millett. Je suis une seule et toute à la fois. Parce que je viens d'une génération de femmes qui ont cousu ma chair, qui ont durci mes os, qui ont lavé mes pieds et ont payé mes péchés de leur sang. Je viens de l'origine et de l'œuf. Du ventre maternel, de la terre bien-aimée. Je viens pour réparer l'histoire, pour l'écrire à nouveau. Donc ouais, peut-être une réflexion et une citation pour aussi porter un peu ce que certaines femmes de communauté ont posé comme terme et comme réflexion qui pour moi sont des outils essentiels à penser pour nos luttes. J'aimerais citer Moira Milan, qui est une militante mapuche et qui a la question... Pourquoi certains penseurs américains ont exprimé publiquement que les communautés originaires sont à ce jour les seules à offrir une nouvelle proposition alternative en termes d'existence sociale face à la crise civilisationnelle? Elle a répondu « C'est d'abord parce que nous partons d'une logique différente. Nous sommes par essence collectifs et cette appartenance communautaire et collective n'est pas seulement en tant que communauté humaine. Nous comprenons que les montagnes, la rivière, les forêts et tout ce qui nous entoure ce qui forme notre territoire, est aussi une communauté, intègre notre communauté, et nous sommes part les uns des autres. Nous n'avons pas cette vision patriarcale, machiste, raciste et capitaliste de la vie. Cette vision matérialiste qui consiste à comprendre que tout peut être vendu et transformé en marchandise. Nous ne pouvons pas recycler le capitalisme en l'humanisant. Nous devons faire une coupure radicale avec ce système, qui porte en lui tout ce qui est mauvais, qui porte en lui la mort, et nous devons proposer la vie. Donc, après tout ça, qu'est-ce que... Bon, tu nous as déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que tu as appris de tes différentes rencontres avec les chercheuses ou les textes que tu as étudiés de manière générale? Qu'est-ce que tu en retires? Donc d'abord, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une grosse, grosse déconstruction épistémologique de tous les termes rattachés à la lutte ou tout simplement tous les termes et les prismes par lesquels j'analyse le monde. On en a parlé tout à l'heure. J'ai découvert de nouveaux termes qui sont de nouvelles portes aussi pour les luttes. Donc celui de corps territoire et donc toutes les réflexions qui sont amenées en fait partie. Le fait de repenser notre rapport au corps, notre rapport au territoire sur lequel on vit, notre rapport à ce qu'on appelle la nature. Voilà, questionner tous ces termes que j'avais complètement acquis dans mes réflexions. La notion d'éco-dépendance qui est complètement centrale dans tous les textes que j'ai évoqués. Peut-être tout simplement le fait que dans le travail de recherche qui est rattaché au bouquin, le fait que j'ai découvert vraiment de d'autres modes de vie, d'autres modes d'organisation, d'autres rapports au monde, d'autres rapports à la vérité et à la réalité, d'autres expériences du monde aussi. Et donc d'autres façons de s'organiser qui y sont rattachées. Et le fait que toute cette diversité, elle est intrinsèquement connectée. C'est vraiment comme une grosse tresse qui forme un tressage en tissu. J'aime bien ces métaphores-là. Et qui est d'ailleurs une métaphore qui est très, très utilisée, la notion de terrer, tisser, pour montrer à quel point tous ces petits fils de couleurs différentes qui forment les différentes réalités, modes d'organisation, expériences de lutte, etc., forment un tout essentiel, un tout qui ensemble a du sens aussi pour penser nos futurs et pour penser une réelle révolution. Ah, et aussi une partie dont on n'a pas parlé pour le coup encore, toute une dimension spirituelle à la lutte qui pour moi vient amener beaucoup d'espoir qui me manquait, je crois, énormément, et beaucoup de positivisme, beaucoup d'optimisme, et qui me permet à moi de penser des utopies futures dans des pratiques quotidiennes et de pouvoir aussi me réapproprier certaines choses. C'est-à-dire que je crois que jusqu'à présent, dans mes réflexions féministes et dans mon rapport à la lutte, j'avais beaucoup de colère. Plus je rajoutais des filtres d'analyse, plus je me sentais en colère et énervée et aussi un certain sentiment d'impuissance face à ce dont je prenais conscience, que ça m'affecte directement ou pas. Et au travers de cette spiritualité, j'ai pu me réapproprier certaines choses, un certain espoir, une certaine magie. Et dans le terme de magie, c'est pas un truc que je veux pas être dans une dimension très ésotérique du terme de magie. Pour moi, la magie, c'est vraiment une capacité d'agir dans le rapport au quotidien et dans le rapport à ce qui nous entoure. C'est vraiment ça que j'entends par là. Et ouais, je rebondis sur ce que tu disais sur le tissu et sur le verbe terrer, parce qu'effectivement, je trouve que c'est un très bon exemple de comment les pratiques quotidiennes sont empreintes de spiritualité et de métaphores poétiques et penser bien au-delà de juste une action, on va dire, matérielle, parce qu'on le retrouve beaucoup dans, effectivement, les textes écoféministes avec, par exemple, le texte de Julieta Paredes qui s'appelle Hilando Fino, tisser finement, ouais. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui revient beaucoup et l'importance des tissus aussi dans ces communautés. Tu n'a pas défini le concept de buen vivir et la résonance qu'on pouvait y trouver, nous, peut-être. Est-ce que toi, tu as un mot à en dire là-dessus, de ce que tu en as compris ? Extrait du livre « Vivante, des femmes qui luttent en Amérique latine », page 127. Création du Conseil des femmes originaires pour le buen vivir. Introduction d'Elina. C'est en 2013 que naît et prend forme chez les femmes autochtones d'Argentine l'idée d'unir leurs forces au sein d'un même mouvement pour lutter contre la destruction de leur territoire perpétrée par les entreprises extractivistes. Elles fondent alors la Marche des femmes originaires pour le buen vivir, rebaptisée Mouvement des femmes originaires pour le buen vivir en juillet 2018. Leur mouvement recueille le soutien de 36 nations autochtones du territoire argentin. L'expression de buen vivir qu'elles choisissent, qu'on pourrait traduire par « bien vivre », défend une autre idée du développement qui, à l'opposé du système capitaliste, repose sur une relation circulaire et harmonieuse avec la nature, qui reconnaît la réciprocité entre peuple et nature et qui veille à la solidarité entre les peuples. Tout en soulignant ce que les agressions qu'elles subissent peuvent avoir de sexistes, les femmes de ce mouvement ne se disent pas pour autant féministes, en ceci qu'elles rejettent toute tutelle idéologique, particulièrement celles qui leur semblent pouvoir s'insérer dans le modèle capitaliste. Ce que j'aimerais dire, moi, c'est que ce concept de buen vivir, au-delà d'une curiosité et d'un intérêt pour un concept développé par des femmes de communautés originaires d'abord en Argentine, mais ensuite sur tout le continent, il nous invite à une relation circulaire et harmonieuse avec la nature, en reconnaissant la réciprocité entre les peuples et la nature, et en veillant à la solidarité entre les peuples. Et ça, je crois que c'est hyper essentiel. Et aussi quelque chose que j'aimerais rajouter par rapport à cette notion de buen vivir. Donc il y a tout un tas de concepts et de réflexions sur le rapport au territoire, la façon dont le territoire voyage avec les corps et donc avec chacune d'entre nous, toute la liberté qu'il faut affirmer avec ces territoires, etc. Quelque chose qui me paraît essentiel dans ce développement du buen vivir, c'est de rappeler que associé à toutes ces revendications, il y a vraiment un travail de toutes ces femmes en particulier, puisque c'est en particulier des femmes qui sont venues développer ça, pour venir penser la façon dont ce buen vivir doit être intégré aux sociétés, et y compris dans les communautés non autochtones. C'est-à-dire que c'est pas juste juste entre guillemets, parce que c'est déjà essentiel, mais revendiquer dans ces communautés autochtones tous les droits qui leur ont été bâchés, qui leur ont été... saccades, j'ai pas les mots, qui l'ont expolié, extirpé, voilà, tout, c'est le buen vivir, il vient pas juste réaffirmer ses droits et les remettre sur le devant des revendications, mais ces femmes, elles viennent proposer des sociétés pensées, y compris au sein des États-nations, qui viendraient mettre en dialogue et qui viendraient permettre ce buen vivir, ce droit au bon vivre, hein, si je le traduis, bien vivre, dans toutes les communautés, y compris donc au sein des États-nations, au sein des milieux urbains, pouvoir réaffirmer des droits qui ne viennent pas s'affirmer que dans des milieux ruraux, autochtones, au sein des communautés et dans leur fonctionnement, mais qui vient inviter à ce dialogue. Et il me semble que c'est en 2015, si je me trompe pas, mais il y a eu un moment où il y a, et plusieurs certainement, une quantité de femmes, des milliers de femmes qui ont marché vers le Parlement, il me semble, en Argentine, pour venir proposer des propositions de droits sociaux, des propositions de loi, pour pouvoir repenser les sociétés nationales avec l'intégration et la reconnaissance des peuples autochtones. Donc, encore une fois, ça vient montrer cette envie de tisser ensemble et pas juste de revendiquer à part certains droits et certains modes de vie, mais de dire, écoutez, vous nous avez complètement exclus des États-nations, vous avez exclu nos corps et nos terres des représentations et des droits nationaux. Nous, ce qu'on veut, c'est les intégrer à ces États-là et amener ces systèmes de pensée, parce que sinon, ils sont incomplets. Et du coup, ils nous oppriment. Et c'est parce que ces États-nations, ils sont incomplets et qui ne représentent pas ça, qu'il y a les crises actuelles qui existent. C'est parce qu'il y a complètement tout un tas de valeurs et de mémoires ancestrales et de notions et de rapports à la Terre qui sont oubliées, qu'aujourd'hui, il y a cette défaillance des systèmes aussi. Voilà. Et je rebondis sur les mobilisations. Et effectivement, il y en a eu sur tout le continent et aussi en Bolivie et en Équateur, et qui ont mené justement à l'édification des États plurinationaux et à la reconnaissance de la terre-mère dans la Constitution. Et du coup, la reconnaissance aussi du Bougainville, mais ça, c'est sur le papier, et dans la réalité, c'est très différent parce que les gouvernements n'écoutent pas, on devrait avoir un, à la fois, notamment par l'obligation de l'OIT. OIT, Organisation Internationale du Travail. Et par l'obligation de ces constitutions devraient écouter les peuples communautaires et les communautés et les consulter avant de proposer des projets miniers, etc. Et en prenant justement, en actant ce principe de Bougainville, et dans la réalité, les gouvernements ne le font pas du tout et font passer les intérêts des multinationales avant. Donc voilà, c'est juste pour repréciser aussi ça. Cualquier pecado redimida por el esfuerzo de otra mujer, soy mujer. À suivre. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso? No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.